Il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. Myriam Leland au micro encore cette semaine, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, ce soir à l'émission, on a une belle brochette d'artistes. Donc, on reçoit en première partie Camille Bernard-Gravel en studio pour discuter de sa collaboration avec l'artiste Baron Lanteigne. Puis, c'est une grosse œuvre, en fait, qui est présentée dans une exposition de la Galerie 3 actuellement. J'ai eu la chance d'aller la visiter le soir du vernissage et de discuter avec Camille justement cette même soirée-là, ce qui m'a donné l'idée de l'inviter à l'émission parce que c'était une discussion très intéressante qui mérite d'être partagée avec vous tous. J'aurai aussi la chance de recevoir par Zoom cette fois-ci Jeanne Couture, qui est directrice artistique du Musée Ambulant. On va parler de la 4e édition du parcours de cinéma en forêt, Les Brunantes. C'est vraiment une belle programmation qu'il y a cette année pour pas très cher, même certaines parties gratuitement. Donc, on va discuter de ça avec Jeanne. Et en deuxième partie, pour sa toute première chronique, notre nouvelle recrue, Mai Nguyen, nous présente une réflexion sur le pouvoir politique de l'art public et du street art en comparaison un avec l'autre. Qu'est-ce que ça nous amène quand on peut voir ses œuvres dans l'espace public, mais avec deux portées assez différentes l'une et l'autre. Et ce soir, Simon Roy nous propose un groupe qu'on a déjà écouté à l'émission ici, donc le groupe d'Amsterdam, Altingun. Ce soir, on écoute un nouvel album, par contre, qui est sorti en février 2021. Donc, c'est de la pop psychédélique catchy. On se laisse tout de suite avec une première piste que je ne tenterai pas de prononcer. Si vous avez envie de redécouvrir qu'est-ce qu'on a écouté ce soir, c'est l'album Yol de Altingun et c'est disponible sur Bandcamp. Donc, on y va avec une première pause musicale et au retour, on rejoint Camille Bernard-Gravel. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et je suis accompagnée en studio de Camille Bernard-Gravel. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'être venue me rejoindre ici au studio de CKRL pour discuter de cette œuvre, de cette grosse sculpture que tu as fait en collaboration, en co-création avec l'artiste Baron Lantaigne. Déjà, je te lancerai tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Quelles en sont les composantes en fait? Oui, cette œuvre-là, c'est une installation qu'on a pensée en fonction du corps humain. Mais on a voulu faire un poste d'informatique éclaté qui réfléchit un peu en fonction du corps humain, mais en fait, qui s'y adapte pas du tout. Là. C'est un peu l'inverse qu'on voit finalement. Oui, vraiment. Parce qu'on a fait des grands écrans souples avec des panneaux de LED. Mm-hmm. Qui sont disposés sur une structure d'acier faite en tube de 2 pouces. Tout ça est tenu par des clamps noirs qui sont utilisés dans l'univers de la scène. Puis on retrouve un peu l'univers du module de jeu, un peu ouais, là-dedans. Oui, c'est vrai. On retrouve des clins d'œil à l'ergonomie, puis aussi des clins d'œil à l'univers domestique en même temps que les clins d'œil à l'univers scénique avec les clamps puis les grosses structures de tubes. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi ce qui est assez proéminent dans l'œuvre qu'on voit tout de suite, c'est tous ces fils qui sortent justement. Puis comme tu me disais, le soir du vernissage, tous ces fils ont une fonction. Oui, tout est tout sert à quelque chose. Il n'y a pas un fil qui est là comme en décoration. Puis en fait, l'installation est dans l'exposition « Matière et crânique » de Joanne Baron-Lantaigne. Là, il m'a gentiment invité à exposer notre installation dans son exposition. Puis, en fait, je le salue et merci beaucoup. Oui, on le salue. Si les mesures nous l'avaient permis, on l'aurait reçu avec nous en studio, avec toi aussi ce soir. Malheureusement, on peut seulement recevoir un invité à la fois. Donc, c'est ça. « Matière et crânique », c'est Joanne l'a pensé. A donné ce titre-là à l'exposition parce qu'il considère l'univers du virtuel comme un univers qui a besoin de beaucoup de matière pour vivre. Mm-hmm. Puis cette installation-là révèle toute cette matière, les fils, tous les dispositifs qu'on a besoin pour justement accéder au virtuel. Donc, il y a aussi un ordinateur décomposé dans des coussins dans l'installation. Oui, c'est assez frappante, cette œuvre-là aussi. Moi, une chose qui m'a frappée en premier de votre installation à vous deux, mais aussi du reste des objets qui se trouvent dans l'exposition, c'est le genre d'inconfort que ça crée. Il y a comme une anxiété un peu qui vient avec ça, surtout l'œuvre que vous avez créée ensemble, justement. J'oublie le titre rapidement comme ça. Là. C'est peut-être... l'ordinateur. Oui, c'est ça, merci, l'ordinateur. Et quel ordinateur, d'ailleurs. Mais oui, il y a comme un aspect un peu médical, parce qu'il y a des coussins comme de velours, puis... t'en parlais un peu de l'ergonomie, justement. Par terre, il y a des claviers qui ont un peu... On se doute que les touches sont placées pour les mains, ouais. Mais elles sont au sol. Donc, on se demande tout de suite, comment on fait fonctionner cet ordinateur-là? Comment on peut l'utiliser, nous, en tant qu'humains? Puis la pochette dont tu parles, justement, l'ordinateur démonté dans une grosse pochette, il faut comme... moi, je suis tout petite, là. Donc, il faut comme se mettre sur la pointe des pieds pour voir l'écran au complet. Ouais. Puis c'est quelque chose dont on a discuté le soir du vernissage, justement, ce genre de jeu d'accessibilité un peu inconfortable que vous avez réfléchi un peu, justement, en fonction de l'ergonomie que tu me disais. Oui, c'est ça. L'autre œuvre dont tu parles, c'est Tangible Data. Exact. De Baron Lantaigne. Mais oui, il y a cet univers-là. Quand on a commencé à collaborer, on a parlé beaucoup de posture du corps, puis on magasinait des claviers. Justement, ça a été un des points de départ de notre collaboration ou de nos discussions, plus ou du moins. Puis moi, j'avais fait une chaise longue berçante. OK! faite pour regarder un écran. Donc, c'est ça l'univers qui nous a réunis. Puis aussi, bon, on savait qu'on allait probablement se compléter, puisque moi, je suis plus du côté sculpture, installation, oui. Dans le matériel, mais avec un clin d'œil tout le temps, ou en tout cas un peu de numérique là-dedans. Puis Joanne, lui, est vraiment clairement du côté virtuel numérique, mais avec toujours plus, de plus en plus l'intention d'aller vers l'objet, puis il le fait déjà, mais nous deux ensemble, on se réunit assez bien pour faire des grandes installations qui comptent autant de virtuel que de matériel. Oui, c'est ça. L'œuvre s'intégrait à merveille dans le reste de l'exposition. Justement, on se doutait que c'était peut-être cette œuvre-là avant de savoir vraiment que c'était celle-là qui était votre co-création. J'étais avec Annie, qui va être ma co-animatrice très bientôt. Puis les deux, on se demandait, mais c'est laquelle œuvre qui sont faites ensemble, tellement que ça se fondait bien dans le reste du travail de Joanne, justement. Puis il y a une chose que, en faisant des petites recherches aussi, j'observais le reste de ta pratique, puis j'ai remarqué que il y avait définitivement des points similaires que je voyais, mais le reste de ta pratique s'attarde beaucoup au territoire naturel, au territoire et à l'objet naturel aussi, les cours d'eau, la topographie, et là on tombe dans quelque chose de artificiel, si on peut dire, avec l'ordinateur. Est-ce que c'est une transition qui se dessinait déjà dans ta pratique ou c'est quelque chose de très nouveau pour toi? Non, je pense que l'artificiel ou le transfert vers le numérique a toujours été là. Il y a eu l'installation Construire la pluie qui déconstruisait le son de la pluie, oui. Puis qui le recréait dans une salle d'exposition. Après, quand tu parles de topographie, tu fais sûrement référence à triangulation. Exactement. Puis cette œuvre-là, il y a quand même toutes sortes de photos qui ont été découpées au laser puis oui. Repositionnées. Donc, tu sais, dans le collage d'images, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'artificiel. Oui, absolument. C'est ça. Ça mariait déjà bien les deux. Je voyais qu'au niveau des sujets, ça reste que c'est un artificiel qui fait référence au naturel, justement. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on retrouve nécessairement dans l'œuvre que tu as faite en co-création avec Joanne. Donc, je trouvais ça intéressant de voir cette pas opposition, parce que définitivement, il y a une continuité mm-hmm. avec le reste de ton œuvre, hein. Ouais, puis bon, ma pratique évolue comme toujours. C'est quand ce qu'on souhaite. Quand ça évoluera plus, ce sera la fin, mais je crois exactement. Qu'elle est très loin, la fin. Oui. Puis, je crois que ça, c'est pas du tout en opposition, c'est dans non, la continuité, vraiment. Mais on apprend à travailler ensemble aussi, puis tout ça va évoluer, on sait pas de quel côté encore, mais dans ma pratique personnelle, je crois que la posture du corps prend plus de place aussi, mm-hmm. puis le rapport à l'humain, au bien-être, ça aussi c'est des sujets que je vais élaborer plus, mais tout en restant dans les thématiques de nature puis de technologie, là. Mm-hmm. Puis rapidement aussi, justement, le corps est quand même bien présent tout en étant absent dans l'œuvre, parce que de la manière qu'elle est placée, justement, on se demande un peu par où la prendre. Est-ce qu'on peut aller à l'arrière? Comment on utilise justement cet énorme ordinateur-là? Ouais. Donc, c'est déjà quelque chose qui est bien présent dans ta pratique, justement, de par l'exploitation de l'espace autour. Oui, c'est ça. J'avoue qu'on ne sait pas trop où se placer là, devant, oui, devant c'est l'œuvre, ça. Mais il y a quand même les tabourets qu'on a placés devant qui s'agencent à, oui. à l'œuvre, là, qui sont faits avec les mêmes tubes peints beige, puis le même velours bleu. Puis ces tabourets-là, je voulais qu'il y en ait trois parce que ça, je trouve que le poste d'ordinateur fait référence à l'univers domestique, puis mm-hmm. qu'à l'intérieur de nos maisons, on est de plus en plus réunis autour des ordinateurs pour écouter n'importe quoi sur YouTube ou... Oui, c'est ça, les médias quelconques pour les Zooms aussi, les soupers de famille en Zoom qu'on exactement. A eu énormément dans les dernières années, les deux dernières années, ça fait puis déjà même deux dans ans. Le virtuel aussi, les jeux vidéo qui se jouent à plusieurs, mais à distance, tout ça, ça reste quand même collectif, même si on a une idée d'un poste informatique personnel à une personne, il reste que c'est rassembleur comme objet. Oui, vraiment. Ben merci beaucoup, Camille Bernard-Gravel. C'est déjà tout le temps qu'on avait. J'en profite pour mentionner que tu as une œuvre, une exposition qui est présente à la Galerie Famille du Musée national des beaux-arts du Québec depuis cet été. Et c'est disponible, c'est visible jusqu'en octobre 2022. Donc, on a encore une bonne année pour aller s'y promener puis voir ça. Et l'exposition à la Galerie 3 est disponible jusqu'en octobre aussi. Donc, nous, on se laisse pour une pause audio, toujours du groupe Altingun. Et au retour de la pause, on discute avec Jeanne Couture du Musée Ambulant. We'll be right back. sensin. Nari oy çal bilekler oynasın. Nari vur dibekler inlesin. Nari oy çal bilekler oynasın. Rebienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro. Je suis avec Jeanne Couture au bout de la ligne. En fait, on a des petits problèmes techniques, comme vous pouvez le constater, donc on va se laisser pour encore une autre petite pause musicale. Et au retour, on espère pouvoir parler à Jeanne Couture. Bienvenue à l'aérospatiale. Vraiment désolée pour cette erreur technique, petit problème technique qu'on a eu avec le téléphone. Donc, Jeanne, t'es toujours au bout du fil? Jeanne, t'es toujours au bout du fil? Oui. Oui, allô, bon. Excuse-moi, j'ai cru te perdre quelques instants, par contre. C'est bon. Donc, on a... vraiment plus beaucoup de temps, malheureusement, à cause de ces petits problèmes techniques-là. J'aimerais qu'on parle rapidement quand même du projet Les Brunantes. Qu'est-ce que c'est comme projet, Jeanne Couture? Oui, donc Les Brunantes, c'est un parcours en forêt, de cinéma en forêt, en fait. Donc, c'est vraiment super de faire ça en famille le soir. Donc, ça commence ce vendredi. C'est pendant 4 fins de semaine. Ça se passe en campagne, donc ça commence à Deschambault les 2 premiers week-ends, donc 24-25 septembre et 1er et 2 octobre. Dans le sentier du Moulin de la Chevrotière, on peut voir 18 films d'art, des gifs animés, des documentaires, plein de films sélectionnés par Catherine F. Gadouri, une commissaire de Québec, qui a sélectionné des films et ils sont mappés directement sur les éléments de la nature dans le sentier. Donc, on va pouvoir voir des films sur des roches, sur des arbres, de l'eau même. Alors, c'est vraiment super de découvrir ces films-là un peu cachés dans la forêt, parfois très petits, des fois très grands. Donc, on a un parcours qui est pendant donc 2 week-ends à Deschambault et il se déplace ensuite avec les mêmes films, mais dans un parcours tout à fait différent au bord de la rivière Jacques-Cartier à la Maison des Ries à Pont-Rouge, donc plus près de Québec un petit peu. Donc, c'est deux expériences avec les mêmes films, mais dans des environnements complètement différents. Donc, ça nous permet de les apprécier d'une toute autre façon. Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a déjà des expositions qui sont présentées au Moulin de la Chevrotière, une exposition à la Maison des Ries aussi. Puis dans la journée, il y a une exposition de sérigraphie qui est présentée qui est présentée dans les sentiers, justement. Oui, absolument. Donc, un projet du musée ambulant qui présente l'artiste Marie-France Tremblay de Québec qui a fait la sérigraphie sur des toiles qui sont râpées, si on peut dire, des troncs d'arbres. Alors, on est vraiment dans le concept des brunantes où les choses sont mappées sur les arbres, les éléments de la nature. Donc, on a fait ça, mais avec la sérigraphie. Et on va pouvoir suivre ce parcours-là avec la réalité augmentée, donc en utilisant notre outil technologique avec une application qui s'appelle ArchiVive et on peut retrouver toutes sortes de petites gifs animés là, qui viennent changer un peu la perspective, justement, de ces œuvres-là qui sont accrochées en forêt. Mais super! Je suis tellement désolée qu'on n'ait pas eu plus de temps que ça pour en parler parce que c'est tellement un magnifique projet. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais inviter les gens à aller voir l'événement sur Facebook, à aller voir le site web du musée ambulant aussi. Puis, Les Brunantes a son propre site web, si je ne me trompe pas. Oui, une page Facebook, oui, Les Brunantes. Exactement. Oui, ça existe depuis quelques années. Puis, ça se déplace selon la forêt qui veut nous accueillir. Exactement. Donc, j'invite les gens à aller voir ces informations-là en ligne pour voir tous les détails et c'est à ne pas manquer donc pour les 4 prochains week-ends justement dans la MRC de Portneuf. Merci encore et désolée encore Jeanne Couture. Il n'y a pas de problème, merci. Donc, nous, on va se quitter pour des pauses publicitaires. Au retour de la pause, c'est la chronique de Mai Nguyen qu'on va écouter. Je vous invite à écouter mon album qui est en diffusion à CKRL 89.1. Salut! J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattatata. Aujourd'hui, j'fais de la musique, pis j'trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, je joue d'un bord. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si j'joue plus au baseball, j'traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas. Le Quartier des Arts de Québec vous invite à découvrir le nouveau parcours Lumière sur l'art sur l'avenue Cartier, créé par le duo d'artistes Pierre et Marie. Sous le thème « Les paysages révolutionnaires », le duo a décidé d'en faire une véritable célébration du merveilleux. Avec ses décors inventés, peuplés de curieux personnages, ses mises en scène ludiques et improbables, ses natures mortes bricolées. Un projet rendu possible grâce à la Société de développement commercial de Montcalm, au Musée national des beaux-arts du Québec, et à la Ville de Québec. Pour plus d'informations, visitez quartierartquebec.com. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à laquelle je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent. Pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex, Clinique Médicale Lacroix et XPN Canada. Le vendredi 1er octobre, la Maison de la littérature présente La Folie du Nord. Un concert littéraire rock de Mathieu Villeneuve. Clavier, guitare, percussions et effets visuels psychédéliques sont au rendez-vous pour l'adaptation de son roman Boréaliope Prémence. La Folie du Nord, un spectacle unique à voir le 1er octobre à la Maison de la littérature. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et je suis accompagnée d'une toute nouvelle chroniqueuse. Bonsoir, Maï. Bonsoir. Donc, Maï Nguyen qui est artiste, qui fait aussi de la performance, plein artiste multi, on peut dire ça. Donc, Maï, ce soir, pour ta première chronique, tu avais envie de nous parler du pouvoir politique de l'art qui est visible dans l'espace public, donc que oui. Ce soit l'art public ou le street art, qui ont des portées assez différentes. Donc, je te lance, parle-nous de ça, c'est super intéressant comme sujet. C'est bon, merci Myriam. Je veux parler aujourd'hui manifestation artistique extérieure, au temps d'une pandémie. Mode de gestion et réception d'un public qui est à l'extérieur, justement. Mm-hmm. Je comprends aussi que c'est un sujet très large, mais pour la cause de la chronique, je vais essayer de prendre quelques points en particulier, puis vous m'excuserez si je tourne quelques barres ronds, disons. Là. C'est pas grave, ça va teaser un petit peu les auditeurs à réfléchir un peu plus à ce sujet-là. Mais oui, on en parlera autour d'une guerre, sinon. Hein. Exactement. C'est bon. Tout d'abord, je pense qu'il est important de définir les types d'art que je vais aborder durant la chronique, de comment ils opèrent dans un milieu ouvert et des tangentes qu'ils ont pris à travers le temps, parce que, tu sais, on a plusieurs vagues de choses qui passent, des cours artistiques, etc. Et surtout, tout ça pour nous amener à comprendre l'impact d'une pandémie sur ce genre de pratiques artistiques à l'extérieur. Je tiens à préciser aussi que c'est une question, tu sais, super ouverte que j'apporte et que c'est surtout des questionnements que j'ai eus en assistant à plusieurs œuvres, projets dans la ville de Québec. Mm-hmm. Bon, pour commencer, le street art, art urbain. Tu sais, petite définition rapide, c'est comme vu comme un mode d'expression artistique, également un cours artistique en soi. Le street art est comme reconnu plus souvent par ses techniques, ses lieux d'apparition et surtout dans la manière où il réclame l'espace où il se trouve. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement organisé comme de l'art public. Il n'y a pas une diffusion organisée, chapeautée par des organismes officiels, si on peut dire comme ça. Là. Exactement. Mm-hmm. Tu sais, ce que j'ai l'impression aussi que c'est souvent l'élan du street. Oui. Comme ça, c'est tellement drôle. c'est une manière de volonté d'affirmer un propos dans un espace déjà présent. Ça porte souvent des réflexions également. Tu sais, c'est introduit souvent par des artistes. Bref. Deuxième catégorie, public, ben, l'art public. Et là, le truc avec l'art public, c'est que je sépare en deux, disons, deux vagues. Je sais pas si Myriam, tu sais, moi, ça a été très nouveau, là, que j'ai eu cette de ces deux genres d'art public là, parce que sinon mm-hmm. je les mettais tout simplement ensemble, disons. Je suis curieuse genre d'entendre c'est quoi tes deux. Mais oui, pardon pour les anglicismes, parce que j'ai essayé de trouver des genres de trucs en français, mais je trouvais que ça définissait pas assez bien. Mm-hmm. Bref, le premier Art in Public Interest, okay, qui est la première catégorie, mm-hmm, qui, c'est qu'on pourrait penser ce que l'art public est, les grosses installations, des... Mm-hmm. La politique du 1%. C'est ça, exact. Tu sais, des sculptures, là, on gravite autour de ces, okay, choses-là, on les regarde, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment présent, qui occupe l'espace public, oui, pour le public. Mais oui, puis qui est souvent... qui est amené par des grosses organisations, tu sais, le gouvernement, la Ville de Québec, des grosses, grosses affaires. puis là, on y comprend alors que l'intention de ce genre d'art public, mm-hmm, c'est davantage apporté par le commissariat, tu sais. Oui. Ils ont une idée, ils font un appel au dossier, les artistes y répondent. C'est introduit par des commissaires, par des cadres plus grands. Ouais. Là, le deuxième genre qui, je trouve, plus intéressant, disons, okay, que j'ai découvert récemment, qui est le... Oh, je vais massacrer le mot, là, pardon. Vas-y. Là. New genre, ouais, public art. OK, puis, donc le nouveau genre, l'art public nouveau genre. Oui, exactement. Qui n'est pas un si vieux terme que ça, qui a été introduit par une artiste, performeuse, écrivaine et professeure, uh-huh, Suzanne Lassie, en 1990, oh, après un même festival de performance qu'elle a amené et après une publication qui s'appelait, là, elle mélange le mot français et anglais, alors vous allez voir dans comment je le prononce, Mapping de terrain, New Genre Public Art. Et elle définit ce nouveau genre par la création de projets avec la communauté. La communauté fait partie intégrante de l'œuvre à travers son processus. Elle mélange le social et inévitablement le politique aussi. Mm-hmm. Et souvent, ces œuvres-là, dans sa production finale, mm-hmm, reflètent toutes les participants qui ont participé au projet. OK. Donc, artistes et participantes. Et là, le troisième type d'art que je voulais aborder, leur action. Performance, oui, manœuvre, infiltration... Bref, on comprend. Et pour y aller rapidement, tu sais, la performance, la réaction, on sait déjà qu'il y a eu deux vagues très, très, très fortes. Première vague, années 70. Oui. Contre-culture, guerre du Vietnam, libération sexuelle, après mai 68. Shabam, toute cette affaire-là. Et cette vague-là a été... représentait, disons, un art qui voulait choquer. Beaucoup de violence infligée à l'artiste même. Oui, c'est ça, beaucoup d'automutilation comme action artistique. Oui, exactement. Mm-hmm. C'est vraiment le rapprochement entre la présentation de la violence par la représentation de la violence elle-même, tu sais. Oui. Il n'y avait pas vraiment de... Ben oui, il y avait des métaphores, bien sûr, oui, mais on, oui, comprend, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'était violent plus littéralement, disons. Oui, exactement. Et là, il y avait la deuxième vague, qui était plus la réappropriation du soi, affirmation de l'identité de l'artiste. On pense à des artistes comme Orlan qui se modifiait le corps. Oui. Tu sais, des performances où est-ce que l'artiste représentait ses propres difficultés, sa réalité. Et puis, finalement, la troisième vague, qui, ce qu'on est présentement dans le genre de truc à définir. C'est déjà défini, okay, mais à prouver, genre, plus fort, disons. C'est ce qu'on parle de performance aesthetic art, okay, qui est des performances de l'intime, un investissement du social, esthétique, une façon de mettre de l'avant une des autres modalités d'être dans un nouveau monde, disons. Okay. Ou des nouveaux mondes tout court, que plusieurs performeurs québécois font. Bref, pour aller jusqu'à là, j'ai trois exemples à Québec pour démontrer... au fond, j'ai quatre exemples au Québec, à Québec, qui se sont passés récemment. Tout d'abord, le collage de Wartin-Pantois, mm-hmm, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, des, oui, collages photographiques grandeur nature. Oui, qui a malheureusement été vandalisé trois jours après son installation. Exactement. Très malheureusement, oui, parce que c'était un beau message d'inclusion, oui, qui a été vandalisé complètement à l'inverse de son message. Mais oui, exactement. Mm-hmm. Deuxièmement, l'œuvre de Sarah Thibault pour les passages insolites. Oui, cette belle arche en baguette dorée sur le parvis de l'église Saint-Roch. Exactement, qui s'appelait l'impermanence du monument. Mm-hmm. Troisièmement, l'œuvre de France Larrault, qui a fait une courte pointe avec la participation de plus de 50 femmes qui recouvrent désormais le centre de femmes de la basse ville. Oui. Qui s'appelle Nouvelle Convenance. Qui est juste en face du parc du Rocher. Exactement. Et quatrièmement, la performance de Michel Lacombe pour la RELAP, la rencontre locale hors performance, où est-ce qu'elle amenait le public à se rapprocher pour l'aider à vider l'essence de son briquet. Et dans cette affaire-là aussi, il y a beaucoup d'autres actions. Mais bref, je vais y aller vite. En fait, ces quatre exemples d'œuvres font figure d'exemple pour les quatre types que j'ai dit plus tôt. Et c'est qui les rapproche? Celui de Martin Pantois, France Larouille de Michel Lacombe, c'est que elle s'écarte résolument de la prétention de la pérennité ou la prestance monumentale qu'on peut associer genre à un large pan de leur public. Oui, c'est ça. Comparativement à Sarah Leroux. Oui, parce que par exemple, la politique du 1%, justement, c'est très axé sur la pérennité, d'avoir quelque chose qui va perdurer dans le temps très, très, très longtemps, quelque chose d'historique presque. Exactement. Ouais. Et là, on se demande alors, dans les trois œuvres que j'ai dit avant celui de Sarah, il y a de quoi est-ce que le public est vraiment très présent? Oui. Où est-ce que on voit une pertinence à ce que cela se passe présentement? Oui. Martin Pantois pour le message racisme et comment ça s'est fait, le rassemblement par après. Tu sais, France pour toute la portée politique et poétique. Sociale. Tu sais, Michel parle le fait juste de la manière où est-ce qu'elle se déploie dans un milieu artistique en performance. Et là, on se demande alors, est-ce que je suis contre les œuvres, les arts publics? Non. Grosse question. C'est ça, exact. Non, je suis pas là pour dire ça. C'est que dans un contexte de pandémie, je pense absolument que les œuvres telles que celui de Sarah sont importantes. Ouais. Parce qu'elles apportent l'émerveillement en ville. Et c'est ce qui... J'essaie d'y aller vite, je m'excuse, je regarde le temps. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Et je pense que l'attrait de ce type d'art-là est super louangeable. T'sais. C'est plus facile à comprendre. Tout le monde peut avoir accès. C'est un côté de surprise dans sa marche. On se demande, tu sais, on se questionne, c'est qui, c'est quoi. Oui. Et souvent, ça fait beaucoup de clins d'œil. Oui, c'est ça. Vas-y. Ben, je me demande, en fait, pour toi, est-ce que, justement, ce type d'œuvre-là a une plus grande portée politique étant donné qu'elle fait partie des vivants comparativement, par exemple, à des œuvres... On prend l'exemple du 1%, là, mais on ne veut pas du tout dénigrer ça. Il y a de magnifiques œuvres qui sont issues du 1%, justement, puis ça permet, bon, l'émerveillement devant des bâtiments publics, mais les œuvres comme, par exemple, celles issues du passage insolite, est-ce que tu trouves qu'elles ont une portée politique plus grande étant donné que ça rejoint un public différent, disons? C'est certain que ça dépend des œuvres. Mais surtout, moi, je suis bien dans le game, là, dans le jeu de moins de public, plus de relations, plus de dialogues, donc plus, tu sais, plus de puissance, finalement. Mais plus de monde veut aussi dire plus de personnes touchées, donc je ne sais pas c'est quoi l'apport entre, tu sais, intensité ou, tu sais, etc. Ma seule critique avec les œuvres publiques, c'est qu'on oublie peut-être aussi, surtout à Québec, je pense, et à Montréal aussi, en fait, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de financement dans ces œuvres-là, tandis qu'on pourrait aussi mettre de l'argent dans les centres d'artistes, dans les organismes, pour justement faire des beaux projets comme celui de France au Centre des femmes. Parce qu'elle est belle, tu sais, elle porte beaucoup. Puis des œuvres qui créent justement des expériences pour le public qui peut participer à ces œuvres-là, en opposition à des œuvres qui ne sont souvent, parce qu'on ne veut pas mettre tout le monde dans le même bateau, il y en a quelques-unes des œuvres du 1% qui sont pensées pour être peut-être un peu plus interactives, mais je crois que ce que tu essaies d'exprimer, c'est justement de mettre un peu plus de financement dans le milieu artistique pour générer des projets qui sont plus interactifs du début à la fin, justement, qui incluent le public. Et oui, avoir de quoi d'envergure aussi. Ouais. C'est aussi... Mon Dieu, j'allais partir sur une grosse affaire. Là. Mais c'est pas qu'on n'aimerait ça. Hein. On adore ça, discuter de ces choses-là. Puis justement, c'est quelque chose d'assez différent des chroniques qu'on offre d'habitude, qui sont plus informationnelles. Donc, c'est très rafraîchissant d'avoir une chronique qui est plus d'opinion, puis qui fait réfléchir aussi, justement, sur la portée de l'art qu'on voit en public, mais aussi du financement de ces œuvres-là, puis de la manière dont on peut changer le financement. Mais merci beaucoup, Mai Nguyen, pour cette belle chronique. J'ai l'impression que tu en avais encore tellement plein à dire. Oui. J'ai hâte qu'on aille en discuter autour d'une bière, justement. C'est bon, nous, étant donné qu'on a un horaire à respecter, on va tout de suite se lancer dans l'agenda de la semaine. Donc, depuis le 16 septembre et ce jusqu'au 26 décembre, le Grand Théâtre de Québec présente au studio TELUS « Envolée lyrique » de Philomène Lompré. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais là, j'ai une nouvelle. L'œuvre va être disponible aux personnes qui ne détiennent pas de billets les dimanches après-midi, donc de midi à 4 heures, et ce jusqu'au 10 octobre. Donc, pas besoin de billets pour aller voir l'œuvre, mais un horaire bien spécifique. Il y a également le vernissage et le lancement « Hommage à Van Gogh » par Jean Gaudreau, qui était ce soir, en fait, commençait à 17h30. Donc, il y a 12 toiles qui sont présentées à la galerie du Palais Montcalm et il y a également le lancement d'un livre. Il y a deux choses qui se passent du côté de Pêche Sherpa cette semaine. Donc, le 23 septembre, en formule 5 à 7, il y a le lancement de ce qui s'appelle les 7 muses. Donc, c'est l'inauguration des œuvres qui recouvrent les colonnes de la façade de l'édifice. Donc, il y a quelques années, c'était des personnes qui semblaient porter l'édifice. Et là, il y a des œuvres qui ont été développées avec en s'inspirant de 7 muses. Donc, muses de l'art visuel, de la littérature, de la photographie. Il y en a 7 comme ça. Donc, le lancement, le vernissage se fait le 23 septembre de 5 à 7. Par le fait même, il y a une exposition en collaboration avec le photographe Alexandre Desmar avec des images de l'évolution de Sherpa. Puis du 25 au 26, les 25 et 26 septembre, dans l'Oasis du Saint-Jacques-Cartier, en collaboration avec Folie Culture, Pêche Sherpa, Saint-Jacques-Cartier, le collectif Ramène, il y a ce qui s'appelle l'Artichaut. Donc, c'est un genre de mini-festival off-journée de la culture qui nous permet d'expérimenter plein d'œuvres inusitées, de la jonglerie, des sérigraphies, du chant expérimental, des installations sonores. Donc, je vous invite à aller voir l'événement Facebook pour avoir plus de détails. Il y a la 4e édition des Brunantes, justement, dont on a parlé très, très brièvement avec Jeanne Couture juste avant la pause publicitaire. Donc, ça aussi, je vous invite à aller voir sur Facebook. À la Galerie Michel Guimond, il y a une exposition qui ouvre samedi. Donc, c'est l'exposition de Tania Girard Savoie, des magnifiques œuvres picturales abstraite. Puis, il y a également la promenade des arts. Donc, je vous invite à aller voir sur le site web de CKRL. C'est la 2e édition que ça se fait. Il y avait la fin de semaine dernière et il y a en fin de semaine, donc 25-26, c'est une promenade dont seul le lieu de départ et d'arrivée est connu. Et il y a 4 installations artistiques guidées par des animateurs de CKRL. Il y a une première micro-conférence aussi de la saison 21-22 de la Chambre Blanche et c'est Annie Charland Thibodeau, ma co-animatrice qui débutera avec moi dans 2 semaines, qui va discuter de sa pratique de sculpture parce que c'est une artiste. Et finalement, il y a c'est le dernier week-end pour la 2e mouture du mois des galeries, donc qui remplace la nuit des galeries, donc pour aller se promener dans le vieux port de Québec, la Place Royale, le quartier du Petit Champlain aussi, aller visiter ce parcours culturel. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper les émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Un grand merci à Camille Bernard-Gravel qui est avec nous en studio. Jeanne Couture qu'on a eu très brièvement au téléphone. Ça se voulait en Zoom, mais finalement, c'est ça, les joies du live. Et finalement, Mai Nguyen, notre chroniqueuse de la semaine qu'on a déjà hâte de retrouver pour une autre super chronique. Et on se laisse sur les dernières pistes musicales, quelques pistes du groupe Altengun et on se dit à la semaine prochaine. Aman desinler desinler şeker yesinler şu kız şu oğlana yanmış desinler aman desinler desinler şeker yesinler şu kız şu olana yanlış desinler. Şeker yesinler, şu kız şu oğlana yanlış desinler. Aman desinler, desinler şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanlış desinler. Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. I'm feeling better than the day before. Yeah, I'm walking and talking and thinking and laughing, and I keep on wanting more. And I feel love. I feel love. When I think back on how the way I felt back in high school, I felt sad. There was no one around me to comfort or hug me. In a word, I felt bad. Now I feel love. I feel love. I'm finally feeling happy. Hey, hey, I wake up in the morning with the sunshine. Hey, I can finally hear the birds sing again. I've been going to the library and been checking out all the books that can make me smile. Yeah, I've been thinking positively and thinking about God. I turned off the TV news 'cause it's just a conspiracy of misery. Every time I see her face, it makes me smile. Every time I see her face, it makes me smile. Smile. Smile. Hey, hey, what do you know? Life is awesome. I'm finally feeling happy. Hey, I wake up in the morning with the sunshine. Hey, I can finally hear the birds sing again. CKRL 89.1. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Centre Étape, La Croisée, les éditions Intervention, École de cirque de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. C'était pas mangeable! Oh, ça a pas de bon sens! Je peux pas croire que t'as oublié de mettre du gâteau dans ta mousse aux ananas. Je t'ai mêlé pas à peu près. Gagnante du concours Talent en scène avec une performance devenue Renverser à l'ananas, le radiothéâtre, Catherine Côté vous invite à Renverser à l'ananas, le spectacle. Premier acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec, la Fabrique culturelle et Mon père est mort, présente Renverser la nana du 21 septembre au 9 octobre au théâtre Premier Acte. Informations et billets sur premieracte.ca. Découvrez le troisième album d'Émile Bilodeau, Petite Nature. 1, 2, 3, 4, prêt, pas prêt. Il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. Émile Bilodeau est de retour avec 15 nouvelles chansons, incluant les extraits La Jungle du Capital et Ma maladie mentale. Ma maladie mentale. Est-ce que c'est pas génial? Petite Nature, disponible en magasin et sur les plateformes d'écoute dès maintenant. Cet automne, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin! On se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois, sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Monpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard à l'affiche dans votre cinéma dès le 24 septembre. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. CKRL. Communication. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture.